Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. C'est l'histoire d'une gamine aux origines modestes qui quitte Pontiac, une ville industrielle proche de Détroit, pour s'installer à New York. Nous sommes en 1979 et elle a à peine 20 ans et la grosse pomme est dans la panade. Pauvreté, chômage, insécurité, c'est littéralement le Gotham City de Batman. Et pourtant, un truc titille Madonna, Louise, Veronica Chichon. C'est l'effervescence culturelle de New York, la contre-culture, le punk et le hip-hop. Tout ce qui va façonner le mainstream quelques années plus tard. Alors oui, Madonna débarque à New York. Comme elle prenait des cours de danse contemporaine à Détroit, elle a un contact. C'est le chorégraphe Pearl Lang qui lui offre une chambre contre des heures de ménage dans le quartier chic de l'Upper West Side. Mais au bout de quelques semaines, elle déménage pour une chambre bien plus cafardeuse, cette fois dans l'East Village, et elle est au 230 East 4th Street. Elle s'installe là-bas car deux clubs underground font battre la vie nocturne du quartier. Il y a le CBGB au 315 Bowery Street. Il y a aussi le Max Kansas City au 213 Park Avenue South. Ça, c'est à Manhattan. Car à Manhattan, un peu plus loin, il y a le célèbre Danceteria. Le Danceteria qui est plus post-disco et dance. C'est dans la 21e rue. Alors nous sommes en 1979. Madonna, toute punk, sort dans ses trois clubs et découvre un monde musical puissant. Le groupe Blondie avec Debbie Harry, les Ramones, Television et les Talking Heads. Et puis il y a cette grande prêtresse aux cheveux longs. Elle est fan de littérature et plus précisément de Rimbaud qui lui servira de mantra toute sa vie. Le poète du 19e siècle a une telle influence sur Patti Smith, car il s'agit de Patti Smith, et bien qu'elle vient régulièrement se recueillir sur sa tombe à Charleville-Mézières, en haut de l'avenue Boutet. Patti Smith hurle sa transe poétique sur la scène du CBGB. C'est à New York. Un cortège littéraire qui croise le do-it-yourself punk. Patti Smith hurle. Madonna boit du petit lait. Elle apprend beaucoup. Elle absorbe soirée après soirée. Nous sommes en 1979. Beach. There's a beach where women love other women. Lady Putnam. She in a towel. She's in the barrow. Since you were away, I've been looking for. Madonna est pote avec un guitariste nommé Dan Gilroy. Il vit dans une synagogue et son groupe s'appelle The Breakfast Club. Il invite Madonna au chant. Elle fait aussi ses premiers pas pour la composition. Le groupe tourne dans les clubs branchés New York. Elle chante et bouillonne d'énergie sur scène. Nous sommes en 1980. Welcome back to the grooviest pop show on the box. Here's Saina. If you follow disco music, you'll be familiar with records like Lucky Star, Holiday, and most recently Borderline. Some of the best sounds have come out of America over the past year. Now, here's the girl who made them, a singer described in her publicity as very good, but also very bad. Hi, I'm Madonna, and this is New York. See the puddles? Isn't it wonderful? My home. And, see if I did anything like wholesome. Do you actually believe? Well, you know, I used to put on plays and recitals for everyone. I was a real show off. I used to get in front of the TV and pantomime, you know, the girls that were dancing and singing on the board. It's like, what are we going to call ourselves? Well, show. Let's call ourselves Madonna. It's really a catchy name. It's kind of rock and roll. And I used to take dance lessons all the time. Was probably the greatest for energy and enthusiasm. The difference is between the stage persona and who she was on stage, at least around me, and then I'm going to be doing a lot of videos to go along with all the singles I'm going to be releasing off the album. Kind of, you know, I'll be planning a tour. Do about this. I never hear her be that way. I think it'll be a world tour. And in addition to that, possibly a movie. I met Madonna in 1979. I had been working on a film at the time, In Artificial Light, which was about a group of disparate characters. She had a fairly sober childhood, and at this point she's willing to do what she had to do. I'll do anything for money, because money is my love. In the sense of having to get things done to get to another place. Don't look back. Don't think about what you're doing. Just mix it up. The Malibu Beach Club is proud to present that international band of renegades, Kid Creole and the Coconuts. En 1979, le Dansetaria n'est pas un club comme les autres. Il y a du clubbing bien sûr, mais aussi des performances arty et du graffiti. Là-bas, on mixe des sons qui offrent des portes de sortie au disco jugé à tort moribond et une alternative au punk. C'est ce Dansetaria qui va ouvrir les chakras à Madonna. Ces sons dans cet aria, il y avait le fantastique Kid Creole and the Coconuts, un mix entre big band et tropicalisme. Black, blanc, latino, queer. La nuit des temps, Radio Duo. C'est d'autant de cet aria que Madonna va faire des rencontres déterminantes et commencer à bricoler ses sons arty et dance. C'est là-bas qu'elle va quitter les rives du punk, avec un club dans cet aria qui va définir une partie du son des années 80 en invitant les Smiths ou encore ici les Talking Heads. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous, can't relax. Can't sleep, bed's on fire. Touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Far, better. Run, run, run, run, run away. Oh, oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Far, far, far, far, far, far, far. but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Camins est l'un des DJ résidents au Dunset Area. En 82, Madonna Lacoste pour lui faire écouter un son bricolé et qui s'appelle Everybody. Il confie alors ce son à Bud Jones, génial producteur de Kid Creole qu'on vient d'entendre et des Talking Heads. Bud Jones est sous le charme et finance une maquette. Mark Jamins le récupère, sait qu'il a une bombinette entre les mains et propose ensuite cette maquette à Seymour Stein, directeur du label des Ramones et des Talking Heads. Seymour Stein est comme un dingue. Il signe ainsi pour plusieurs singles, dont ce premier siglé Madonna. Et ça s'appelle Everybody. Et il y a toute la culture club dans cet Everybody. Everybody, ça veut dire tout le monde. Mais ça veut aussi dire tous les corps. C'est clairement un premier manifeste pour Madonna, avec une vraie ligne de basse, des synthés sautillants, une voix suggestive et ultra féminine, une assurance déjà assez dingue pour une jeune femme de 20 ans. I've been watching you. La nuit des temps, l'international de la danse. Les premiers singles de Madonna seront joués dans les clubs new-yorkais comme le Roxy, le Paradise Garage ou même le célèbre Studio 54. Et parmi ces clubs mythiques, il y en a un chouille un peu moins connu et qui s'appelle le Fan House. Ce club dispose d'un son et d'une scénographie lumineuse exceptionnelle et Madonna y chante Physical Attraction et fait un carton. On y croise aussi New Order, qui n'aura sans doute pas manqué de jouer la confusion dont l'intro rappelle le Vogue de Madonna. La nuit des temps, Radio Duo. Well, it depends on, like, if the song's, like, like, I have this song that's, like, out on the radio right now, it's called Everybody, and it's about getting people to dance and lose their inhibitions, so I taunt my dancers and get them to get up and do different things on their own, and then if it's a love Madonna song, began it's kind to develop of like, her own songwriting. You know, we're relating to each other. Her own emotions and relationships kind of in the lyrics for songs like kind of Hot House Flower. Her private and public persona were beginning to merge. Shut the fuck up! Yeah, me neither. Hi, Madonna. I'm from Detroit, and I'm 21. Listen, you play games and I play games. We're both just too good at it. You didn't expect anything real to happen between us, did you? So we're just kicking this up, is that what you're talking about? You said it wasn't going to work out. It was huge. Yeah, so where were you last night? You're supposed to meet me at 7 o'clock. I waited 45 minutes in the library. Friends, see what I mean? You asked me out to see how long I'd wait for you when you wouldn't show up. That's not true. I had a rehearsal over months. Yeah, so sure. You had a rehearsal the night you went to the movies, remember? You canceled it, remember? Look, Danny, let's just make like two shifts to pass the night, okay? Not okay. Après le chorégraphe Dan Gilroy pour le DJ Mark Cummins, un troisième petit gars va donner un sérieux coup de pouce à Madonna. C'est John Benitez, dit Jelly Bean. À 16 ans, Jelly Bean tombe dans le hip-hop et fait rapido le DJ dans les clubs mythiques comme le Hoorah ou l'Electric Circus à New York. Dès 78, il remixe Africa Bambaataa ou en 83, le Confusion de New Order. Et c'est armé de son Everybody que Madonna cherche à rencontrer Jelly Bean, qui fait le plein chaque soir au Fun House. Les sons sont synthétiques, ultra rythmés, mélodiques et toujours imprimés par une basse hip-hop. C'est à la fois baroque, minimaliste et terriblement moderne. Jelly Bean, Side Walk Talk. Watch where you walk, cause the sidewalk's talking. You can't keep a secret from the ground beneath you. Step very lightly on the earth below, or before you know it, everyone will know. Streets are paved with a thousand eyes, and tries you may, you can't disguise. There's only two things that you can't hide from, that's you and the ground you're walking on. Watch where you walk, cause the sidewalk's tough. You better watch what you do, what you do. Cause the sidewalk talk can get carried away. You better watch what you say, what you say. Hey! Think when you Après Every Body, Madonna a signé pour plusieurs titres avec Sheer Records et son label veut lui imposer un producteur génial mais terriblement old school, Régis Lucas. Et il a un peu plus de 30 ans, Régis Lucas, au début des années 80, mais a déjà bossé pour des grands noms de la soul, de la dance ou du jazz comme Miles Davis ou Roberta Flack. Ou encore c'est lui qui est à la manœuvre sur ce hit produit en 80, You've Got the Power. C'est pure energy. Et Régis Lucas revisite le groove luxuriant et chaleureux de la fin des années 70. La nuit des temps, l'international de la danse. cette fois, out les vieilles recettes de Régis Lucas. Cette fois, Jelly Bean veut intégralement piloter la production. Alors il propose à Madonna ce titre Holiday, composé par les Pure Energy. Direction le studio Sigma Sound, et les deux ozos s'entourent de Fred Zarr, qui a bossé pour les Was Not Was et Break Machine. Il y a aussi Bashiri Johnson, et lui c'est le percussionniste de Luther Vandross. On retrouve aussi la clique des Pure Energy pour les chœurs, ainsi que Chrissy Face, qui chante pour Lou Reed, et tenez-vous bien, pour Leonard Cohen. Ici, tout est synthétique sauf les percussions pour la touche latino. Une longue intro terriblement moderne avec cette histoire de gamine sans thune qui rêve de vacances. Une longue intro pour cette promesse géniale, s'amuser, célébrer, faire la fête. C'est un conte moderne. Les filles sont pauvres mais veulent aussi leur part du gâteau. Coup de génie, c'est conjugué au conditionnel. Eh ben ouais, un jour, elles aussi, elles auront droit à des jours meilleurs. C'est infiniment beau, infiniment triste, infiniment dansant. One day out of life, it would be. a lot more of your daily life is sort of documented and kind of put out there, you know what I mean? And you go to a restaurant and they write about it in the post on page six, you know? And I mean, sure, in some ways it's fun, yeah. And I like to remain a little reclusive and not be just and be out there, you know, just to, you know, to be brought up and be brought down, you know, like they do to most of them. Did you have a ton of his paintings? Do you have a ton of his paintings? Yeah, but when I broke up with him, he made me give them all back to him. Oh my God, what a mistake! And then he painted over them black. Oh, you're kidding? No. You would. Wow. With them. Well, that's a guy you dated, the artist Jean Michel Basquiat. Yes. Mm-hmm. You dated him when you were young. Yeah, I did. And you left him because of drugs. I did. He wouldn't stop doing heroin. But you were in love with him. I was. He was an amazing man and deeply talented. I loved him. Did you have a ton of his paintings? Do you have a ton of his paintings? Yeah, but when I broke up with him, he made me give them all back to him. Oh my God, what a mistake. Well, they always do. And he over and over. Oh, you're big kidding. Celebrity. Yeah. You would. Wow. What would those paintings do? I don't know. peut mesurer aujourd'hui ce qu'a apporté Madonna dans l'histoire de la dance music, un point de passage entre des formes d'avant-garde et une musique ultra populaire qui rassemble aussi bien les latinos, les gays, les blacks, les femmes, qui lancent un gros doigt d'honneur à toutes celles et tous ceux qui veulent leur imposer des manières de vivre. Madonna continue aujourd'hui ce travail de sape en jouant de son âge comme personne, de son corps aussi, toujours en train de danser jusqu'à plus soif. Convenable ? Pas vraiment. Vampire de son, de genre et de producteur ? Sans doute. Punk ? Peut-être. En roue libre ? Oui, carrément. Et c'est pour ça qu'on l'aime. I'm not here. C'était jeune, ambitieuse et agressive, les débuts de Madonna. Et ce soir, pour accompagner l'ancêtre de Beyoncé, de Sabrina Carpenter ou de Charlie XX, nous avons reçu sur notre dance floor Avalanche, qui annonçait une nouvelle saison pour Madonna. Patti Smith, ancêtre de l'ancêtre, et toujours des vers de Rimbaud dans la tête. The Breakfast Club, le groupe punk de Madonna. Le tropicalisme funk des Kid Creole and the Coconuts depuis les clubs new-yorkais du début des années 80. Également les Talking Heads toujours en live, qui jouaient dans l'autre club juste à côté. Ou bien le crush de Madonna, au début des années 80, le peintre Jean-Michel Basquiat, dont on a entendu le groupe Grey, mais aussi la voix. On est aussi dansé sur New Order, en live, au Fun House, comme le faisait Madonna. Et celui qui aura inventé le son de Madonna à ses débuts, Jelly Bean, avec son tambourin et ses synthés. Le groove classique des Pure Energy, avec le producteur Régis Lucas. Et puis bien sûr Vincent Lecomte pour l'habillage de ce programme et les archives retrouvées. Merci, merci, merci Vinini, notre Madonna à nous. Vous pouvez retrouver les débuts de Madonna dans un fantastique petit bouquin qui nous aura carrément inspiré et sur lequel et dans lequel on aura tout pompé et qui s'appelle Madonna Holiday. Ce bouquin est écrit par Xavier Belrose, on vous le recommande chaudement, tout comme la collection Seven Inches qui nous plonge à chaque fois dans l'aventure d'un hit remarquable. Celui-ci est publié cette année en 2025, ça coûte 12 balles et vous allez passer un super moment. Pourrait jouer dans les clubs new-yorkais de la même époque. Mais il est bien là en 2025 avec nous, c'est Dan, ben oui, et qui va mixer pendant 2 heures en direct sur Duo des sons étranges et bizarres venus d'ailleurs. C'est comme à la radio. Dans quelques minutes. Hola, señorita Costa. Hola, señorita Costa. Hola, señorita Costa. Señorita Costa, hola señorita Costa, hola señorita Costa. Hola señorita Costa, hola señorita Costa. Listen, watch me some boys from El Barrio and I'll be set. Et maintenant que nous sortons non seulement du début des années 80 pour revenir tout doucement en 2025, mais aussi des clubs new-yorkais, c'est l'heure pour Dio de lever les yeux vers le ciel de Saint-Étienne. C'est l'heure de regarder les étoiles qui brillent pour nous ce soir et de danser encore un peu sur quelques bonus qui vont conduire doucement vers C'est comme la radio et le 7e ciel. C'était la nuit des temps. Ici Saint-Étienne. Buena notte. Salut. That's here. La nuit des temps, Radio Dieu. She calls disconnect her. If Madonna calls, I'm not here. Elle est très drôle, mais elle est, comment on appelle ça en anglais, hectic. Elle est frénétique, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite, quoi. Vite. Donc moi j'aime bien prendre mon temps. Donc c'est que elle trépigne du pied comme un taureau qui attend et qui souffle que je termine de programmer. Mais c'est vrai que c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire je pouvais pas. Moi, la musique est toute nette. Hors de question. Like somebody who looks like Madonna, you have to convince them that's who you are. Two things. I never go anywhere by myself. I always am with a friend or someone. And yes, people often go, she looks just like Madonna, but I don't bother to correct them because I'm perfectly happy to sing. I always, and if they say it to me, I say, oh gosh, thanks. What a compliment. And keep walking. Take me. I like to singy, singy, singy, like a bird on a wingy, wingy, wingy. I like to rumba, rumba, rumba. There's two words, samba, samba, samba. Got introduced to music with a song called Le Vie en Rose. Oh, you're kidding. That was my first album. That was great. Uh-huh. Is that a special song That's to you? That's a very special song to me. Oh, God, I cry every time I sing it. Yeah.